Alors, réplique de Corlan, 0401, intérieur chambre d'Atlan. Vous avez 3 minutes pour faire venir ici le général Rajtor Gasher et ses conseillers. C'est parfait, cela nous évitera des pertes de temps. Où sont vos conseillers? Profitez-en pour faire de l'humour, vous n'en aurez plus longtemps l'occasion. 017, nous faisons partie de la SPAR. Notre société a déclaré la guerre à l'Empire solaire et à ses tristes alliés. C'est pourquoi nous allons exécuter les valets de cet intrigant de Rodin et ce maître de Mascaren, de Gonozal. 025. Corlan. Le grand nettoyage a commencé. Il ne s'arrêtera que lorsque tous nos adversaires auront été éliminés. Je compte sur vous pour faire passer le message. 0405 A. À bord du Bossalore, vaisseau fantôme en marche, poste de commande. 004 Corlan, avec un sourire forcé. Seigneur Corlan, commandant du Bossalore, soyez les bienvenus à bord. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? 008 Corlan. 010 Corlan. Pas mal vu, mais pas dans le bon ordre. D'abord votre évasion, et cerise sur le gâteau, l'arrivée d'un prototype. Nous avons évidemment sauté sur l'occasion. Autant mêler l'utile à l'agréable. 013. Je vais vous mener jusqu'à la cabine du vénéré Ralgotal. Il désire s'entretenir avec vous. 015. Le responsable de la présente mission, et accessoirement le numéro 3 de notre organisation. 017. La SPAR. Je suppose que vous en avez entendu parler. 019. Et alors? 021. Ravi de voir que vous en soyez rendu compte. Mais à présent, je vais vous demander de me suivre. 030. Si vous n'avez plus besoin de moi, vénéré. 0405C. À bord du vaisseau fantôme en marche, bourdonnement de l'interphone. Mazas Pavel, vous êtes prié de me rejoindre sur la passerelle de commandement avec votre compagnon. Nous allons nous poser sur Plogan dans moins d'une demi-heure. Nous allons nous poser sur Plogan dans moins d'une demi-heure. 015. Vous voici arrivé à destination. Roliment et Talman vont vous accompagner jusqu'au logement qui vous a été affecté dans la cité intérieure. 018. Le cœur de la capitale. C'est là que siège le triumvirat, qui vous recevra d'ailleurs demain. 0408A. Intérieur, salle du conseil du triumvirat de l'Aspar. Bon. Pas terrible rire. Allez. Oh. Intérieur, salle du conseil du triumvirat. 003. Il est de nouveau disponible? Peut-être en existe-t-il d'autres sur l'astéroïde où nous les avons découverts. 007. Quoi qu'il en soit, Jean, je suis prêt à partir. 009. 009. Bien, monsieur. 011. D'ici un quart d'heure. 013. Ce sera fait selon vos désirs, monsieur. À bord du Revanche, en marche, poste de commande. Par impatient de Corlan qui tourne en rond. 02. Corlan impatient. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour quitter l'entre-espace? 05. Enfin! 06. Corlan, live et via intercom. Ici le seigneur Corlan. Nous allons émerger dans quelques minutes aux côtés du Bossalore. Ordre à tous les canonniers de se tenir prêts à ouvrir le feu, mais uniquement à mon commandement. que le capitaine Dos Erlam constitue un équipage de prise et qu'il me ramène les fugitifs, vivants si possible. Mais s'ils résistent, je me contenterai de leurs cadavres. 052, à bord du Revanche, en marche, poste de commande. 002, Corlan, hurlant comme un démon. Tirez, ne les laissez pas s'échapper. 04. Corlan hurlant. Toutes par tous les dieux. 009. Je n'ai pas dit d'arrêter, détruisez-les toutes. 014. Les chaloupes 2 et 3 examineront les débris du Bas-Salor pour retrouver le système du Tracker. S'il n'est pas détruit, le Revanche, lui, va suivre les deux canaux restants. 015. Le canot restant qui vient de passer dans l'entre-espace. À bord du Revanche, en marche, poste de commande. 0202. Corlan furieux. Vous pourrez dire cela quand nous aurons vu leurs cadavres. En attendant, nous continuerons à les considérer bel et bien vivants. Vous avez compris ? 004. Grâce au talent de notre navigateur et à l'extrême précision de nos instruments, nous avons eu la chance d'apercevoir les fugitifs au moment où ils quittaient la protection du soleil. Nous avons donc pu voir quelle planète ils comptaient rejoindre. Nos hypercaméras nous ont permis d'assister à leur chute dans les eaux de ce monde aquatique, mais nous allons nous assurer qu'ils n'ont pas survécu. 0504A, à bord du Revanche, en marche, poste de commande. 003, Corlan. Toujours pas de trace de terconite. 006. Oui. 010. Utilisez un rayon tracteur et amenez à bord ce que vous avez trouvé. 012. Pas de doute, c'est une porte de sas. Cela provient bien d'une gazelle. 015. Pas tout à fait, ce sera le cas. Lorsque vous m'aurez ramené le corps de l'un des fugitifs avec priorité au mulot castor. À bord du Revanche, en marche, poste de pilotage. 001. Corlan. Toujours rien. 04. Corlan. À 10 000 mètres de profondeur. 006. Est-elle habitée? 008. Les occupants vous ont-ils vu? 010. Y a-t-il des postes de défense visibles? 013. Lieutenant Silbert. 015. Détruisez-la. 017. Oui, lieutenant, il est possible que ce maudit mulot castor y ait trouvé refuge. Et je ne veux pas courir le moindre risque de le voir encore s'échapper. Exécution. À bord du Revanche, en marche. Poste de pilotage. 002, Corlan. Oui. 04. C'est impossible. Même si sa nef est détruite, vous devriez en retrouver des débris. 09. Revenez tout de suite à bord. 012. Nous allons employer les grands moyens. À bord du Revanche, en marche, poste de pilotage, panique, course et cri, pagaille monstre, effet Borgs, plusieurs bruits d'électrocution. 009, Corlan, d'une voix légèrement tremblante. Non, pas pour l'instant, mais soyez prêt à le faire. Corlan vient intercom général. Ordre à l'officier survivant le plus gradé de me faire le plus rapidement possible un état des pertes en hommes. En même temps, j'aimerais que l'un des mécaniciens me rende compte des dégâts subis par le Revanche. 013, Corlan. Comment se fait-il que l'accélération ait produit de tels effets? J'ai vraiment cru que le vaisseau allait tomber en morceaux. 018, Corlan. Suivez-le. 016, Corlan Radio. Bienvenue, frère Domati. Je dois vous féliciter de la part du Triumvirat pour nous avoir ramené ce prototype de l'astromarine terranienne. 019, Corlan Radio. J'envoie une navette récupérer vos passagers. Quant à vous, vous convoirez votre vaisseau jusqu'à base 2, où nos techniciens pourront l'étudier à loisir. Je vais vous adjoindre 8 hommes d'équipage pour vous seconder. 0405. À bord du vaisseau fantôme en marche. 007 Corlan. Nous avons perdu le contact avec le vaisseau prototype. Carn Domati devait convoyer jusqu'à nos chantiers. 009. Je ne vois pas d'autre explication. 012. Vous feriez mieux de quitter cet endroit où, d'ailleurs, vous n'avez rien à faire. 015. Vramo va vous indiquer vos cabines dans lesquelles je vous prierai de rester en attendant notre arrivée sur Plogan. 0407D. Intérieur bureau de Stafford Monterney sur Plogan. 010 Corlan. Magnifique. 005 Corlan furieux radio. Allumez votre émetteur. 007. Identifiez-vous immédiatement ou bien je fais arroser le vaisseau au narco-radiant. 004. Que font-ils? 006. Ce n'est vraiment pas le chemin le plus court pour rejoindre un des mondes de l'Empire terranien. 008. Corlan avec un rire sinistre. Dans ce cas-là, c'est plutôt raté. Et je me fais une joie de surgir à leur côté lorsqu'ils vont se décider à retrouver l'espace conventionnel. 0502C. À bord du bateau, alors, du boss alors, en marche, poste de commande. 007 Corlan. Vous n'espériez quand même pas m'échapper. Stoppez immédiatement les blocs propulsion et ouvrez le sas d'accès aux soutes. Je vous envoie un équipage de prise. 0502G. À bord de la gazelle en marche. 0503G. Au bord du revanche en marche. 001. Corlan. Vous n'avez toujours rien détecté? 004. Il est indispensable que nous ayons la preuve de leur mort. Aussi, nous allons pilonner la zone dans laquelle ils ont disparu. Cela fera peut-être remonter à la surface des éléments de leur gazelle. 006. Tous les types d'armes? 008. Il me semble avoir bien dit toutes les armes. 010. Vous avez une objection? 013. Et alors? 015. Exécution. Vous commencerez avec les canons. Si nous n'observons pas de résultats satisfaisants, nous poursuivrons avec une ou deux ultracharges hydrogène-hélium. Et s'il le faut, nous terminerons par une bombe C. 0504C, à bord du revanche en marche. 002. Avec un peu de chance, nous quitterons ce système avec quelques dépouilles qui prouveront à notre chef que nous avons mené à bien notre mission et à nos ennemis que nul ne peut nous échapper. 008. Enfin, cherchez bien et ramenez-moi les corps que vous pourrez découvrir, quel que soit leur état. 011. Continuez en agrandissant la zone de recherche. 04G. À bord du revanche, en marche, poste de pilotage, bombardement, bombe et tir radiant de la cité des Borgs via radio. 002. Corlan. Si ce maudit mulot Castor s'en est encore tiré cette fois-ci, je veux bien entrer dans les ordres. Lieutenant Silbert, que se passe-t-il? 007. Corlan. Attaqué par qui? Par quoi? 009. Corlan. Vous êtes devenu fou! 012. Corlan. Sergent Dallo! Sergent Dallo! 014. Vous avez entendu le lieutenant Silbert? À quelle distance êtes-vous de sa chaloupe? De sa chaloupe? 017. Corlan. Allez voir sur place ce qui lui est arrivé, mais gardez votre écran dressé. On ignore ce qui motive son silence. 005C. Non, 0505C, oui. À bord du revanche, en marche, cabine de Corlan, bip du vidéocom. 02. Oui? 04. Parfait, j'arrive tout de suite sur la passerelle de commandement. 006. D'ici quelques minutes, la cause de tous nos soucis aura vécu. 08. Oui? 010. Non, pas avant que je me sois assuré que rien n'a pu suivre. Non, pas avant que je me sois assuré que rien n'a pu survivre à la destruction de cette planète. 012. Oh! Je savais bien qu'il fallait se méfier jusqu'au bout. Feu à volonté sur ces appareils. Pas un ne doit nous échapper. À bord du Revanche, en marche, poste du pilotage, dernier essai. 002 Corlan. Nous aurons quelques minutes à notre disposition avant qu'il ne replonge. Aussi nous nous rapprocherons à pleine vitesse et nous les pulvériserons. Je me retire dans ma cabine. Vous me préviendrez dès que vous aurez l'assurance qu'ils sont sur le point de revenir dans l'espace conventionnel. Il est pas commode le gars-là, hein?